frotte à gauche, elle frotte à droite. Avec moi, elle fait sa Mac, Mac, Mac, je vais lui mettre une droite. Elle fait sa folle. Sa folle, ah la folle, elle folle, elle folle, elle folle, elle folle, je vais lui mettre une droite, les pieds dans le ciment, je suis dans mon élément, j'ai pas chaviré, je remercie moi, elle roule en dernier golf, elle m'a mis la golf, sa folle, folle, folle, folle, folle, oh j'ai la cote, elle veut sauter à moi, j'y présente mon pote. Je suis pompette dans la cabine. Pendant que je pose, sa tête, sa carrière.